Vous m'avez appelé Julien, vous semblez me connaître bien, mais votre visage ne me dit rien. Tiens, vous prétendez que l'on s'est aimé, que je n'ai pas pu oublier tout ce qui s'était passé. Tiens, vous vous souvenez très bien, comme d'un rêve qui revient, d'un passé qui est déjà loin. Moi, je ne me souviens de rien, votre histoire ne me dit rien, cessez de pleurer en vain. Tiens, j'aimais donc beaucoup notre charmante soirée passée à boire du thé. Tiens, je disais être heureux quand nous allions tous les deux voir les matchs de cricket. Tiens, vous vous souvenez très bien, comme d'un rêve qui revient, d'un passé qui est déjà loin. Moi, je ne me souviens de rien, votre histoire ne me dit rien, cessez de pleurer en vain. Tiens, vous m'avez recherché partout, vous avez fouillé tout le pays, de Liverpool à Brighton. Tiens, vous m'avez aperçu enfin, par un après-midi d'automne, je prenais l'avion pour Paris. Non, vous avez dû vous tromper, avec un autre c'est certain, là-bas jamais je ne suis allé. Moi, je ne me souviens de rien, votre histoire ne me dit rien, cessez de pleurer en vain. Moi, je ne me souviens de rien, votre histoire ne me dit rien, cessez de pleurer en vain.